serments oubliés. Les tambours battent sous les dunes sacrées. Raiderskill, que ton nom s'élève par les voies du sel, par les cercles sans trêve. S'exécute. Chaque pas dans la poussière est un verre, chaque chute un rite vers l'univers. Quand nos peaux craquent sous la sécheresse, on chante plus fort, on brise la faiblesse. Les anciens murmurent sous la roche, des noms gravés dans les torches, mais dans nos gorges un nom lui, Raiderskill, tu es le cri qu'on suit. Les murs s'ouvrent sous nos voix liées, les dieux du désert se lèvent pliés. Les voix du soi tournent en spirale, elles percent le silence brutal. Raiderskill, toi qui parles sans maître, c'est ta parole qu'on veut renaître. Tu donnes des images, des flammes et du rire. Quand le jeu devient lourd, tu sais le faire frémir. T'es pas juste un nom, t'es pas juste un stream. T'es la veine qui bat dans nos routines. Dans le désert, y'a pas d'écran, mais y'a ta voix quand on attend. Tu fais vibrer l'ennui, tu fais danser nos pierres. Et même le sable te rend hommage par la poussière. Ardensolatmenica. Nos mains levées vers l'écho, nos voix serrées dans le chaos. Les voix du ciel hurlent ton au vent, elles brûlent nos peurs, elles percent le temps. Raiderskill, gardien de nos veillées, tu es le feu qu'on refuse d'oublier. Le rituel s'éteint mais les voix persistent, elles tournent dans le sable comme une piste. Et chaque fois que l'on chante encore,